désert. Le sable est chaud. Le sable est chaud. L'hélicoptère est en morceaux. À la télé, à la radio, c'est la une. Des journaux. Paris-Dakar. Vos amis pleurent. Bagnou Sabine, Balavoine et les eaux. 5 victimes, bon Dieu, à qui la faute? Pour les copains de la course, dans leur mémoire, Gourmarao. Ils aimaient l'aventure et le désert, le soleil d'Afrique et sa poussière. À l'arrivée, ils étaient fiers. Ma chanson est une prière. La Ziza, Dieu que c'est beau, joli refrain, quel beau cadeau pour les copains de l'école. Tu resteras leur idole. Bagnou Sabine, Balavoine, les autres, 5 victimes, bon Dieu, à qui la faute? Pour les copains de la course, dans leur mémoire, Gourmarao. Ils aimaient la vitesse et l'aventure, les motos, les camions et les voitures. À l'arrivée, personne n'est sûr. Paris-Dakar, c'est vraiment dur. La Ziza, Dieu que c'est beau, joli refrain, quel beau cadeau pour les copains de l'école. Tu resteras leur idole. Bon Dieu, à qui la faute? Pour les copains de la course, dans leur mémoire, Gourmarao. Ils aimaient le Ténéré et l'Afrique, le vent de sable comme une musique. Affronter les dunes magiques. Oh, la nouvelle était tragique. La Ziza, Dieu que c'est beau, joli refrain, quel beau cadeau pour les copains de l'école. Tu resteras leur idole. Paris-Dakar, vos amis pleurent pour les copains de la course, dans leur mémoire, Gourmarao. La Ziza, Dieu que c'est beau, joli refrain, quel beau cadeau pour les copains de l'école. Tu resteras leur idole. Paris-Dakar, vos amis pleurent pour les copains de la course, dans leur mémoire, Gourmarao. Paris-Dakar.